J'avais mis juste un dit. C'est pas bien. Mais on dit, c'est bon, il peut récupérer les pistes. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. hold.